said shake it, baby, shake it. I said shake it, baby, shake it. I said shake, make it shake. Come on over. Oh, a lot of shaking going on. Oh, let's go. You can shake it one time for me. You know who has to come over, baby. Oh, a lot of shaking going on. Now let's get real low one time now. Shake, baby, shake. All you gotta do, honey, is kind of stand in one spot. Wiggle around just a little bit. And that's what you got. Yeah. Baby, oh, a lot of shaking going on. Now let's go one time. Hey! Jerry Lee Lewis, World of Shaking Going On de 1957. Et le 20 février 1970, cette fois, sortait le single de John Lennon and the Plastic Ono Band, Eastern Karma. Ce titre a été écrit et enregistré par Lennon en une seule journée. Et en 2008, toujours le 20 février, c'est un exemplaire de l'album des Stones, Black and Blue de 1976, qui était vendu aux enchères à Londres. Pourquoi, me direz-vous ? Eh bien, cet album avait la particularité d'avoir été signé de la main même des Stones, bien entendu, mais aussi de celle de John Lennon encore, Yoko Ono, Paul et Linda McCartney, ainsi que George Harrison. Voici John Lennon précisément avec Eastern Karma, suivi des Stones avec Fool to Cry, un extrait précisément de cet album de 1976, Black and Blue. Bonne matinée à tous. You better get yourself together. Pretty soon you're gonna be dead. What in the world are you thinking of? RQC. Darling, join the human race. How in the world are you gonna see

Voilà, et nous restons, après les Stones en 1976, nous restons en cette année 1976 avec Kiss. Il faut savoir qu'à cette date, le 20 février 1976, les musiciens du groupe Kiss laissaient leurs empreintes de pied sur le trottoir du China's Theatre d'Hollywood. Et les voici maintenant dans un registre assez inhabituel pour un groupe de hard rock avec un extrait de leur album Destroyer de 1976. Il s'agit de Beth. On est toujours dans la détente. Beth, I hear you calling, but I can't come home right now. Me and the boys are playing, and we just can't find the sound. Just a few more hours, and I'll be right home to you. I think I hear them calling. Oh, Beth, what can I do? Beth, what can I do? You say you feel so empty, that our house just ain't a home. I'm always somewhere else, and you're always there alone. Just a few more hours, and I'll be right home to you. I think I hear them calling. Oh, Beth, what can I do? Beth, what can I do? Et en ce 20 février, plusieurs artistes fêtent ou auraient dû fêter leur anniversaire. Pensons d'abord à G. Gales, le guitariste de G. Gales Burns, dont un des grands moments de bravoure a été ce bon morceau Centerfold. Il y a ensuite Randy Craig Wolf, dit Randy California, qui est né le 20 février 1951. Il est guitariste, chanteur et compositeur et membre du groupe Rock Spirit formé en 1967. Alors ce nom ne vous dit probablement rien du tout. Et pourtant, malgré les démentis d'un certain Jimmy Page, Led Zeppelin, on murmure ci et là que les parties guitare de Stairway to Heaven, leur super succès, seraient issues du morceau Taurus de Randy California. Et celui-ci, malheureusement, a connu un destin tragique en 1997 en voulant sauver son fils de la noyade. C'est aussi, en ce 20 février, l'anniversaire de Walter Baker, né en 1950, et il est cofondateur et guitariste de Steely Dan. Et enfin, c'est aussi l'anniversaire d'un certain Edwin Graham, le batteur du groupe Darkness, né en 1977. Et revoici G. Jazz Band, Centerfold. Nah. in the past. Le meilleur du classique. Il y a peu de temps, c'était la Saint-Valentin, et pour tous les grands amoureux, ce titre de Darkness, I Believe in a Thing Called Love. Can't explain all the feelings that you're making me feel. My heart's in overdrive and you're behind the steering wheel. Touching you for everything is A-okay. Touching you, touching me, touching you, yes, you touch me. I believe in a thing called love, just a turn of my heart. There's a chance we can make it now. We'll be looking till the sun goes down. I believe in a thing called love. C'était donc le Darkness avec un extrait de leur album de 2003, Permission to Land, avec un titre intitulé I Believe in a Thing Called Love. Heureusement que nous avons encore à croire à l'amour. Et terminons notre petite séquence anniversaire avec une pensée émue pour Kurt Cobain, qui est né le 20 février 1967. On se souvient du fantastique album Nevermind, qui était resté sans discontinué pendant 2 ans dans les classements britanniques. Le groupe Nirvana, dont il était le leader, a été le chef de file du mouvement grunge. Il aurait donc fêté ses 50 ans aujourd'hui. On le retrouve précisément avec un extrait de cet album mythique Nevermind. J'ai cité In Bloom, non pas les Blooms de Mcron, mais les Blooms de Nevermind. Kids for food. Avec le titre suivant, on ne quitte pas tout à fait Nirvana, puisqu'on retrouve maintenant Hall, qui n'est ni plus ni moins que la compagne de l'époque de Kurt Cobain. Nous la retrouvons ici avec un titre qui a fait sa célébrité dans sa carrière solo, Celebrity Skin, un titre de 1998 qui se retrouve sur l'album du même nom. Et on poursuivra dans un style un peu plus léger avec Supergrass et Alright. Et enfin, un petit message de la radio hyper important. All Celebrity Skin. Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study. Look at my face.

Un hommage lui a d'ailleurs été rendu dans le cadre de ce concert. Et pour sa dernière prestation, Black Sabbath a fait salle comble à la Genting Arena, qui contient pas moins de 16 000 places. Birmingham, c'est la deuxième ville du pays et le public de fans s'est massé, ému et déchaîné pour la circonstance. Sur scène, il y avait donc trois des quatre membres fondateurs du groupe, le guitariste Tony Iommi, le chanteur Ozzy Osbourne et le bassiste Geezer Butler, rejoint par le batteur Tommy Clufetos, ainsi que par le claviériste Adam Wakeman. Black Sabbath attirait donc sa révérence en interprétant ce superbe tube que nous venons d'écouter, Paranoid, un des hymnes du heavy metal tiré de l'album du même nom, et cela s'est déroulé sous une pluie de confettis. Longuement ovationnés, les membres du groupe, bras dessus, bras dessous, ont ensuite salué leur public. Et voici maintenant un autre groupe mythique du rock psychédélique, cette fois le groupe Cream. I'm so glad. Et moi aussi, je suis si heureux de vous retrouver ce matin pour une nouvelle émission de Living in the Past. Cream, I'm so glad.

La formation Cream, formation phare du gros mouvement de rock psychédélique des années 60, nous avons fait un bond de 43 ans pour retrouver les Foo Fighters en 2009 avec un extrait de leur album Greatest Hits et plus précisément le titre Wheels. Si je vous parle des Foo Fighters aujourd'hui, c'est pour souligner la sortie prochaine d'un album solo d'un de ses membres, le guitariste du groupe Chris Shiflett, qui sortira son troisième album le 14 avril prochain. Alors Chris Shiflett a enregistré West Coast Town dans le légendaire RCA Studio de Nashville l'été dernier avec le célèbre producteur Def Cobb. Et West Coast Town, c'est donc le troisième album solo de Shiflett. Après un album de 2010 intitulé Chris Shiflett and its Peasants et un album de reprise Honky Tonk All Hats and No Cattle en 2013. Pour cette troisième sortie, Shiflett continue donc de se forger sa propre signature en s'inspirant de divers univers musicaux. Et on repart à la fin des années 60 avec le groupe mythique les Creedence Clearwater Revival et Lodi, extrait de Green River de 1969. Just about a year ago, I set out. Poursuivre les Faithful Beatles. Vous aurez reconnu les Beatles avec I Saw Her Standing There, un extrait de l'album Please Please Me de 1963. Alors j'espère aussi que vous avez pris bonne note du message de la radio concernant notre repas apéritif du 2 avril prochain. C'est très important pour nous. Vous savez que RQC est une radio libre et totalement indépendante. Nous recevons certes quelques subsides des pouvoirs publics, mais malheureusement insuffisants pour poursuivre normalement nos activités. Nous avons véritablement besoin de vous et nous espérons bien entendu vous retrouver très nombreux pour cet événement. Revoici le petit jingle qui annonce l'événement. C'est le dimanche 2 avril que se déroulera à partir de 11h dans la salle bleue du Centre Expo, rue de Menin 475 à Moucron, l'apéritif repas annuel de RQC Radio Kichifel. Au menu, apéritif offert, cochon à la broche, pommes de terre rissolées, 10 sortes de légumes, pain, sauce. Le prix est fixé à 17€ pour les adultes et 10€ pour les enfants de moins de 12 ans. À l'achat de tickets, un café gourmand vous sera proposé pour accompagner votre repas. Une tombola est organisée et le premier prix est un smartphone Galaxy Gold. Attention, ce repas se fait uniquement sur réservation, soit au local de la radio de A rue Roger Salengro, anciennement place de l'Ours, face au centre Marius Taquet. Ou par téléphone au 0479 09 70 52 et depuis la France 0032 479 09 70 52. Ou au 056 34 07 83 depuis la France 0032 56 34 07 83. Nous vous espérons nombreux comme chaque année à venir soutenir la dernière radio libre de la région de Moucron. Et poursuivre une nouveauté, une fois n'est pas coutume, avec Depeche Mode et Where's the Revolution, extrait d'un album à venir qui s'intitulera Spirit. Depeche Mode a en effet récemment révélé le premier single de cet album, dont la sortie est annoncée tout prochainement le 17 mars prochain, pour être tout à fait précis. Where's the Revolution que je vais vous passer, c'est le titre de ce single. Et il est le premier morceau original sorti par le groupe depuis l'album Delta Machine en 2013. Le frontman du groupe, Dave Gahan, a profité de la sortie de ce single pour parler du nouvel album à venir. Il a déclaré à cette occasion « Nous vivons une époque de changement. En avançant en âge, la situation du monde m'affecte plus. » Je pense plus à mes enfants et au monde dans lequel ils grandissent. Dave Gahan a encore précisé, il ne s'agit certes pas d'un album politique, parce que je ne considère pas que ce soit notre rôle en tant qu'artiste et musicien, mais indéniablement, il traite de l'humanité et questionne notre place au sein de celle-ci. Rappelons au passage que Depeche Mode se produira chez nous le 9 mai prochain au Palais des Sports en Anvers. Depeche Mode, Where is the Revolution? You are your religion. giving wisdom for too long. Your right to be, your views refused. They manipulate and threaten. My baby does the hanky panky. My baby does the hanky panky. My baby does the hanky panky. I saw her walking on down the line. Yeah, you know I saw her for the very first time. A pretty little girl standing all alone. Hey, baby, can I take you home? I never saw her, never, never saw her. Yeah. My baby does a hanky panky. Yeah, my baby does a hanky panky. Let's go. saw her walking on down the line. Yeah, you know I saw her for the very first time. A pretty little girl standing all alone. Hey, pretty baby, can I take you home? I never saw her, never saw her. Get low inside now, wait. Hey, my baby, does the hanky panky. Et voici Manfred Mann. Right. Ah, que ça fait du bien, que ça nous rend du tonus, ces titres des années 60. Il y avait tout d'abord Tommy James and the Shondells et Hunky Punky en 1966. Nous venons d'écouter Les Standells avec Dirty Water, un groupe aux sonorités qui nous font penser notamment au groupe Them. Et enfin, précédemment, il y avait Manfred Mann, I've Got My Mojo Working, extrait de leur album de 1964, The Five Faces of Manfred Mann. Living in the past, Man in Rap. Et on poursuit en beauté avec AC/DC, Black in Black. Got the hurt. Living in the Past. L'album du jour. Et notre séquence, l'album du jour, est aujourd'hui consacrée à Genesis et plus précisément l'album Abacab sorti en 1981. C'est l'album honni par les fans de la première heure. Et c'est un an après Duke, qui était déjà un album de transition, que Genesis s'est retourné dans le studio dont il était désormais le propriétaire au cœur d'une ferme du Surrey, baptisée sobrement mais justement The Farm. Si Duke avait inauguré une nouvelle orientation musicale tout en ménageant les susceptibilités des fans, avec Abacab, Genesis a encore franchi un palier. Cet album qui n'a, à vrai dire, plus grand-chose à voir avec le rock progressif qui était jusque-là la marque de fabrique de la formation. Cet opus pose les jalons de ce qui sera le style du groupe durant les années 80 avec un son très FM allié à des titres formatés, accrocheurs, efficaces et surtout considérablement raccourcis. Mais pour me faire mentir, la plage titulaire dure quand même près de 7 minutes. Elle porte le nom de l'album Abacab. We'll be right back. la sortie de cet opus, les fans de Genesis, les fans de la première heure, se sont détournés du groupe, écœurés par les expérimentations musicales de cet album. Qu'on aime ou non ce Genesis New Look, cet album est, à mes yeux, un des plus créatifs et des plus novateurs de l'ensemble de la carrière du groupe. Le maître Gabriel en personne, d'ailleurs, saluera ce disque en tant que tel. La réussite commerciale sera naturellement au rendez-vous et elle ne fera qu'amplifier la renommée internationale de la formation. Le succès remporté parallèlement par le premier album solo de Phil Collins, Face Value, a aussi considérablement, en même temps, renforcé l'influence du chanteur au sein de la formation. Celui-ci n'a d'ailleurs pas hésité pour la circonstance à s'adjoindre les services de la section de cuivre d'Earth, Wind and Fire. Et dans ce disque, Tony Banks a aussi partiellement abandonné ses claviers au profit du synthétiseur. Voici un autre titre de cet album, Man on the Corner, Genesis. Au sein du groupe, beaucoup de choses ont donc changé, y compris les méthodes d'enregistrement qui ont considérablement évolué. L'improvisation générale a pris le pas sur les méthodes d'écriture traditionnelles. Et quand le groupe s'est retrouvé en studio, il a enregistré au gré de ses inspirations pour faire le tri ensuite. Et d'ailleurs, les textes ont été relégués au second plan et on peut remarquer que pour la première fois, ceux-ci n'ont pas été intégrés dans la pochette du disque. Ces élucubrations aboutiront à des compositions qui furent donc à leur sortie très controversées, même si certaines d'entre elles frisent néanmoins le carrément génial, voire le très abouti, comme ce « Me and Sarah Jane ». Ce titre démontre si besoin est que Tony Banks reste un peu le gardien de la flamme, même si Abacap marque définitivement une évolution majeure dans le style et la carrière de Genesis et que rien par la suite ne sera jamais plus comme avant. « Me and Sarah Jane, Genesis ». Start counting. Après l'évocation de l'album Abacab du groupe Genesis, nous avons poursuivi notre programmation avec les Cranberries et un de leurs plus gros succès, Zombie, extrait de l'album No Need to Erg de 1994. Et les Cranberries ont promis de revenir bientôt dans notre pays. Ce sera en mai prochain pour un concert acoustique avec un quatuor à cordes. Nul besoin encore de présenter ce groupe incontournable qui a vendu plus de 40 millions d'albums de par le monde et qui a à son actif une liste considérable de tubes, dont ce Zombie. Leur charismatique chanteuse Dolores O'Riordan, accompagnée par Noel Hogan à la guitare, Mike Hogan à la basse et Fergal Lawler à la batterie, ont en effet fait les beaux jours de la scène rock indie durant les années 90 jusqu'à leur séparation au début du nouveau millénaire. Pourtant, près de 10 ans plus tard, en 2010, les membres du Quatuor ont décidé, pour notre plus grand bonheur, de reprendre le cours de leur histoire commune. Et leur reformation a été un succès total, avec des tournées triomphales aux quatre coins du monde. En 2017 s'annonce d'ores et déjà comme une année particulièrement exceptionnelle pour cette formation. Les Cranberries ont en effet décidé de reprendre la route, mais cette fois-ci pour une tournée très spéciale, durant laquelle ils joueront tous leurs plus grands titres en acoustique, accompagnés d'un quatuor à cordes, comme je l'ai déjà précisé au début de cette petite séquence. Et la Belgique, bonne nouvelle, figure au menu de cette tournée intimiste qui les verra s'arrêter le 8 mai au Cirque Royal de Bruxelles. Mais je ne vous ai pas encore tout dit. On ne vous a pas tout dit. L'émission qui fait débat. Quand les acteurs locaux se mobilisent et prennent la parole sur notre présent, notre futur. On ne vous a pas tout dit. Les troisièmes mercredis du mois, en direct et en public, de janvier à mai. Le troisième mercredi du mois, de 20h30 à 22h30. On ne vous a pas tout dit. Proposé par la cellule environnement de la ville de Moucron, le centre culturel moucronois, produit et réalisé par RQC. Et voici poursuivre le groupe Toto, Hold the Line. It's not a- Voilà, avant le Hold the Line du groupe Toto, vous aurez reconnu le message pour notre émission On ne vous a pas tout dit. Et le prochain rendez-vous pour, de cette émission citoyenne, c'est le 22 du 2 à des 20h30 sur antenne ou dans nos studios. Voilà. Après Toto, il y avait le groupe Cheap Trick que vous aurez reconnu avec le morceau Surrender, extrait de l'album Ed Budokan de 1979. Et à propos de Cheap Trick, ce groupe annonce un retour en studio pour préparer un 18e album, studio. Pour mémoire, l'an dernier, en 2016, Cheap Trick avait aussi été intronisé au Panthéon du Rock and Roll Hall of Fame aux côtés de groupes comme Chicago, Deep Purple, Steve Miller et bien d'autres. I'm loving you. Living in the Past. Le rock en balade. Et voici pour suivre Wings, Mule of Kintyre. Mule of Kintyre, on me strolling in from the sea. My desire is always to be on Mule of Kintyre. Travel and much have I seen. Dark distant mountains with valleys of green, past painted deserts, the sun sets on fire as he carries me home to the Mull of Kintyre. Oh, mist rolling in from the sea. My desire is always to be here. Oh, Mull of Mull of Kintyre. Avec ce titre des Wings et de Paul McCartney, nous étions en 1977. En novembre 1977, après quasiment une année de repos à cause de la grossesse de Linda McCartney et suite au départ de certains membres du groupe. Et c'est en pleine période punk que paraît ce Mule of Kintyre, un pastiche d'un air traditionnel écossais, reconnaissable notamment avec cette section de cornemuse. Et cette ballade composée par McCartney et Denny Lane s'inspire de la péninsule écossaise éponyme où l'ex-Beatles d'ailleurs possède une maison. Et seule publication originale du groupe en 1977, ce single connaîtra un succès jusque-là inégalé au Royaume-Uni. Imaginez-vous, il restera 9 semaines à la première place des classements britanniques et pulvérisera le record de vente de 45 tours en Grande-Bretagne, surpassant d'ailleurs les performances de She Loves You des Beatles et de Bohemian Rhapsody de Queen. En revanche, aux États-Unis, Mule of Kintyre, qui a été relégué en face B d'un autre titre des Wings, Girls' School, n'y rencontrera jamais le succès et n'intégrera même pas le top 100. Avant la sortie de ce single, d'ailleurs, McCartney lui-même doutait que ce morceau pût un jour devenir un tube. Il n'en sera que plus heureux devant le succès retentissant de ce titre. Et poursuivre, April Rain, Scene of the Gypsy King, Queen. Lightning smokes on the hill rise, brought the man with the water light, shouting loud you had better fly, while the darkness can help you hide. Trouble's coming without control, saddle and tied on. Western wind is fast and strong. Jump up back, it's good and long. We'll resist till we reach the dawn. Running seems like the best defense. Staying just don't make any sense. No one could ever stop it now. Seems to be everywhere. Heed the spirit that brought despair. Trouble's coming. Paper and fire,

ne trouvez pas que ça sonne un petit peu comme le son Philadelphia des années 70? Et voici pour suivre Sting. I can't stop thinking about you. What made you an empty field of snow? My room is 25 below. This cold been chasing ghosts. A road lies underneath the buried post. Dark search the under forest. We scour the empty streets. The fact remains until we find you. Our lives are incomplete. Do I hear laughter through a veil of snow and ice? Where could you be on such a lonely winter's night? I can't stop thinking about you. I can't stop wanting you this way. I can't face living without you. That's why I'm searching light and day. This heart's a lonely hunter. These hands are frozen fists. I can't stop thinking about you. I don't care if you exist. Do I hear laughter from behind this veil of midnight? What are you hiding in the frozen heart of winter? Somewhere a church bell. Your sense to warm, then the trail turns cold, cold, cold. I can't stop thinking about you. I can't stop wanting you this way. I can't face living without you. That's why I'm searching light and day. This heart's a lonely hunter. These hands are frozen fists. I can't stop thinking about you. I don't care if you exist. Do I hear laughter in the silence of the storm? I know you're hiding in this frozen heart of winter. Midnight church bell tolls. I know you're close, your sense to warm. Then the trail turns cold, cold, cold. I can't stop thinking about you. I can't stop wanting you this way. I can't face living without you. That's why I'm searching night and day. This heart's a lonely hunter. These hands are frozen fists. I can't stop thinking about you. I don't care if you exist. I can't stop thinking about you. I can't stop wanting you this way. I can't face living without you. I can't stop wanting you. Eh bien voilà, juste avant Sting et Can't Stop Thinking About You, nous avons retrouvé avec grand plaisir le groupe Texas avec son nouveau single Let's Work It Out, qui préfigure la sortie prochaine, soit le 21 avril 2017, d'un nouvel album qui sera intitulé Jump On Board. Alors le groupe Texas fait en effet son grand retour avec ce titre très dansant, Let's Work It Out, dans lequel, le clip, on peut découvrir l'actuel entraîneur adjoint des Diables Rouges, Thierry Henry, et l'ex-footballeur y conduit la chanteuse Charlene Spiteri au volant d'une superbe Porsche 911. Quant à notre ami Sting, il ne cesse de truster les prix. Signalons qu'il fait partie des lauréats du prix Polar Music 2017 de l'Académie royale de musique de Suède. Et il sera honoré lors d'une cérémonie organisée le 15 juin prochain à Stockholm, au cours de laquelle il recevra son prix des mains de Charles XVI Gustave, le roi de Suède. Alors, fondé en 1989, ce prix Polar Music récompense chaque année des artistes, des groupes et des institutions pour leurs réalisations exceptionnelles dans le monde de la musique. Et chaque lauréat reçoit à cet effet 1 million de couronnes suédoises, soit la modique somme de 105 000 de nos petits euros. Auparavant, des artistes comme Paul McCartney, Elton John, Ray Charles, Stevie Wonder, Bob Dylan ou encore Björk ont fait partie des lauréats d'éditions précédentes. Que du beau monde, quoi. Et voici pour suivre Eddie Vedder. Hard turn. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Once I built an ivory tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again. There's a big hot sun beating on the big people in the big hot world. When she comes to greet me, she is mercy at my feet. When I see a pin of charm, she just throws it back at me. Once I dug an early grave to find a better land, she just smiled and laughed at me and took her blues back again. There's a big hot sun beating on the big. She is comfort by my side. When I try to understand, she just opens up her hands. Mm-hmm. Eh bien voilà, Eddie Vedder vient de nous éblouir de son talent avec ce Hartson, extrait de la bande originale du film Into the Wild. Et Sean Payne, son réalisateur, y a magnifié la vie sauvage. Ce film racontait l'histoire vraie du parcours malheureusement tragique d'un certain Chris McCandless, un idéaliste qui rêvait de vivre dans la nature la plus sauvage et la plus extrême en Alaska. Après un parcours des plus tortueux dans les contrées arides et désertes des États-Unis, notre héros débarquera sur sa terre promise, l'Alaska, dont il ne reviendra malheureusement jamais. Pour ce grand film, il fallait une bande originale digne de ce nom, et c'est notre ami Eddie Vedder, le puissant vocaliste de Pearl Jam, qui s'est chargé de sa réalisation. Et loin des guitares saturées du groupe Pearl Jam, Vedder nous a livré ici en quelque sorte un premier album solo dans une veine rock-folk assez inattendue. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est réussi grâce notamment aux envolées épiques de ce Hartson. Et on termine notre programme avec une symphonie aigre-douce produite par The Verve. Eh bien voilà, j'espère que vous avez passé une excellente matinée en notre compagnie. Pour ce qui me concerne, en tous les cas, c'était un véritable plaisir. Alors j'espère que vous avez pris bonne note de rendez-vous que vous fixe la station, que ce soit pour l'émission citoyenne « Ne vous a pas tout dit », dont le prochain numéro est prévu ce 22 février à 20h30 dans nos studios ou sur antenne. Et ensuite, et surtout, le repas apéritif organisé par votre station préférée le 2 avril prochain au Centre Expo à Moucron. Et nous attendons avec impatience vos nombreuses inscriptions. Et pour ce faire, n'oubliez pas nos différents numéros de téléphone. Mais il y aura sûrement encore pas mal de mes collègues lanceront aussi notre invitation. Pour ce qui me concerne, je vous retrouverai le lundi 6 mars, même heure, même adresse, pour un 19e numéro de Living in the Past. Et d'ici là, portez-vous bien et prenez bien soin de vous. Mais si les larmes